au Nigérien, le Comité national d'études du kim-sunnisme kim-jong-ilisme, le Cercle d'études du kim-sunnisme kim-jong-ilisme, le Cercle d'études de la politique de Sun-gun, le Cercle d'études de la philosophie du Chu-tse et le Cercle d'études de la confiance en soi ont publié une déclaration conjointe pour féliciter la réussite coréenne au lancement d'essais de la fusée balistique intercontinentale de type façon 14. Elle note que le tir réussi est une nouvelle brillante victoire du peuple coréen obtenue dans la lutte contre les impérialistes et les États-Unis de siècle en siècle. Elle souhaite que les militaires et civils coréens obtiennent une plus grande victoire dans la lutte pour renforcer au maximum la puissance nationale et réaliser l'édification d'une puissance socialiste et la réunification de la patrie.